They say we're young and we don't know. Won't find out till we grow. Well, I don't know. Well, that's true. Hey, bonsoir. Bonsoir. À tous. Alors, très content de vous retrouver. Podcast officiel numéro 5. Génial. On arrive à être régulier, c'est incroyable. Alors, je suis Riley. Je suis accompagné ce soir de notre correspondant officiel à Hollywood, qui habite en France maintenant, mais voilà, depuis quelques John temps. McWriting. Ouais, mais il fallait que je retourne aux sources, moi, tu sais. Voilà, c'est ça, la vraie France, la... Paris. Paris restera toujours Paris. Très bien. Et malheureusement, alors Sartman, qui est avec nous d'habitude, il est là, mais il est pris dans les bouchons port d'Italie. Bon, il arrive. Du coup, il va faire le début du podcast avec nous par téléphone. On va se connecter tout de suite. Putain, c'est fort, hein. Bah attends, on est 2014, hein. Oui, tu nous entends, Sartman? Allô, allô. Oui, ouais, les gars. Alors, je vous entends. Moi je vous entends. Ça va, elle galère un peu. Mais attends, je suis désolé de pas être avec vous. C'est odieux, il y a des bouchons partout là. J'aimerais trop être en studio avec vous. Non, mais tu arrives, t'es en route. Ouais, mais alors là, je suis un peu bloqué, port d'Italie. C'est complètement bloqué. Il y a la police partout, il y a des hélicoptères. Ah, des manifs, c'est sûrement des manifs. Hein. Alors non, figure-toi qu'il semblerait qu'un animal sauvage ait été vu sur le périphérique extérieur. Putain, ah merde. Oui. Mais bon, pour l'instant, là, c'est la situation. Un Wookie. Non, mais c'est assez confus. Alors, il y a des gens qui parlent d'un animal ressemblant à un ours polaire. T'as d'autres témoignages qui parlent d'un lama des Andes. Enfin, c'est très très confus. C'est pas mal. Hein. Mais bon, enfin, c'est pas donc le sujet. Tu arrives. Sujet. C'est ça qui est important. Bah, j'espère arriver. Enfin, pour l'instant, j'avance pas très très vite. Mais bon, je suis avec vous par téléphone. Tout va bien avec ma connexion 4G là. Très bien. Alors, il faut qu'on y aille. Hein, beaucoup de choses cette semaine encore. Je vous entends, je vous écoute. Alors, on passe tout de suite. C'est très très rapide. Mais je vous entends et je vous écoute. Je peux vous parler. Très sans bien. Problème. Merci. On passe tout de suite au concours officiel. Ah oui, tout à fait, on a fait un concours. Ah oui, non, mais je vous entends, j'entends très bien, 4G, Bouygues Télécom, là, ils ont vraiment fait du bon boulot, les mecs. Pas trop de publicité, quand même, Sartman. Alors oui, on a un concours avec notre partenaire, l'association On En Agro, fan de Kaamelott. Ils nous offrent des Blu-ray de la saison 6, seulement si on partage ce podcast. Donc, c'est sympa, sympa. Je vous avoue que ça n'a pas eu un grand succès. Tu m'étonnes. Ah bon? Vous avez partagé vous-même, John? Évidemment. Évidemment. Voilà. Vous êtes parti en lice pour le concours. Ça. Mais évidemment, bien sûr. Bien et sûr. Alors, c'est quoi ce concours, Riley? Il faut partager quoi exactement? Ah oui, donc vous n'êtes pas que vous avez oublié. Vous étiez responsable en charge du concours? Pardon. Vous parlez à qui, Riley? Parce que je ne vous vois pas. Je vous rappelle que je suis bloqué dans les bouchons. Là, on s'adresse à vous. Tu nous entends. Hein, juste le concours, c'était plus on partage le podcast, plus on a une chance d'être tiré au sort pour être le grand gagnant. D'accord. Voilà, c'est vous qui êtes responsable du tirage au sort. Oui, on a eu zéro partage pour l'instant. Voilà, donc, voilà, c'est ça. Le tirage au sort s'est passé assez facilement. C'est ça, comme prévu. Voilà, donc le concours est relancé, hein, vu qu'il y a eu zéro partage, c'est remis en jeu. Ok, bah. Là, voilà, je vous le dis, oui. Ok. Voilà. Non, parce que je vous entends très très bien en plus, hein. ma collection 4G, là, il y a 4 bûchettes. Allez. Mais ok, on fait ça. Les partageants, ok, tirage au sort. Je m'en charge. Ok. D'accord. Okay. Non, mais je vous entends très bien. Ok, on fait ça. Ok. Oui, ok, c'est. Passons aux news marquantes tout de suite. Ah, les news marquantes. Ah, ma rubrique préférée. Officielle. John Mark, c'est vous qui commencez cette semaine? Tout à fait. Oui, une news, concernant le film Interstellar que excellent film. Vous ont vu sans ouais, doute. Ouais, c'était très bien. Je l'ai vu, c'était super, un super film. C'est vrai? Ah, c'est super. Je peux finir ma chronique ou ça t'emmerde, Sartman? Ok. Non mais ok, je t'entends très bien. Ok. La 4G, tout... bon d'accord. Alors on y va. Donc Interstellar, que évidemment la rédaction officielle vous recommande d'aller voir très très très vite. voilà, donc ce film en fait, qui fait donc un succès, on ne peut plus remettre en cause ce succès, mais il y a une ombre qui a la forme de deux mentons géants, à savoir ceux des frères Bogdanov. Ils font très très peur. Igor et Grishka ont fait part de leur malaise vis-à-vis du film. Ah bon? Voilà, alors je cite, hein, évidemment. De sources sûres. De sources sûres. Voilà, les Américains nous prennent vraiment pour des idiots, déclare Igor. Ah oui. En plus, le postulat de départ est foireux, rajoute Grishka, qui n'en rate pas une. Mais oui. Une pénurie de céréales est tout bonnement impensable. C'est vrai que quand on y réfléchit, c'est impensable. Ah, surtout qu'il y a beaucoup de Kellogg's, enfin on voit beaucoup quand on va au Carrefour. Alors exemple. Justement, oui, il rebondit là-dessus en disant que c'est écrit noir sur blanc sur notre prochain livre, Le Tigre est en toi. Ah, donc les céréales, je pensais à voilà, Frosted, comme ils disent, on peut pas faire de marque, à moins d'en citer trois d'affilée. Non mais si, ok, ouais. Voilà, Le Tigre est en toi, donc le prochain livre des frères Wodanoff. Qui ont toujours une longueur d'avance. Je rappelle que c'est eux qui sont à l'origine du script de Matrix, hein, quand même, à la base. Hein, Si. Oui. C'est eux qui ont écrit Matrix, les Bogdanov. Ah, ils ont considéré d'avoir été spoilés par les frères Wachowski à l'époque de la sortie du film Matrix. pour les plus jeunes. Ah, vous êtes vraiment sûr de ça ? 99. Et vous savez que c'est officiel. Ils auraient dû jouer dans Star Wars également. Hein. Ah, mais c'est non, officiel. Je pense hein. C'est encore un peu frais. Quel rôle ? Non, mais dans le Star Wars l'épisode 4, les gars. Ça dit pas ça. Ah non. Au moment de ça a l'air d'être une vraie info. Hein. Ils ont été contactés par George Lucas, mais bon, il y a que eux qui le disent. Nous on le dit pas, même l'officiel ne le dit pas. Même l'officiel. C'est vrai qu'à l'époque de Tanik, ils ont fait beaucoup de promotion de Star Wars. Ah, c'est quasiment. Ça, par contre, c'est quasiment officiel. Ils pensaient que Star Wars était plutôt plus réaliste que Interstellar, finalement. Mais parce que c'est. Oui, ah bah oui, c'est clairement. Dans une galaxie très lointaine, tout ça peut exister. Voilà, alors que Interstellar, le gros problème du film, hein, allons-y, Jean-Marc, c'est que. Alors le problème, ils ont mis le doigt sur le problème de la boucle temporelle. Ah, voilà. On y est. Parce que si les humains du futur guident les humains du passé vers le futur, c'est totalement surréaliste. Hein ils ont raison. Remarque, Igor. Ouais. Et voilà. Et enfin, dans un excès d'énergie, les deux frangins ont appelé au boycott du film. Ah voilà, mais c'est ça qu'est-ce qu'on a lu. C'est ça qu'est-ce que. Mais rassure-toi, ils ont été très très vite évacués. Ah oui, allez-y. Pourquoi qu'est-ce qui se passe, Sartman? Sartman, vous parlez à nous ou pas? Non, mais c'est génial. Il y a un espèce de Roumain qui vient et qui me lave mon pare-brise. Pardon? Il est arrivé, il lave mon pare-brise. Sartman, il va te demander de l'argent, je pense. Non, si. Il m'a dit qu'il voulait laver mon pare-brise. J'ai dit ok, il lave mon pare-brise. Sartman, il va te demander de l'argent, c'est sûr. J'ai pas d'argent. Il va te demander de la thune. Sartman! Arrête! Allô? Putain, les gars, il vient de piquer dans la voiture! Évidemment, on te l'a dit, Sartman! Mais je suis sorti juste, il y avait un autre type qui était. Il m'a piqué ma voiture! C'est con, hein! Bon, vous avez votre téléphone, vous pouvez toujours podcaster! Oui, mais. C'est essentiel, c'est le plus important! Mais ma voiture, quoi! C'est con, hein! Putain! Bah, rejoignez-nous! Il y a le métro! Quand t'as plus d'auto, il y a le métro! Je vais trouver un métro! Mais ma voiture quoi! C'est abusé! Ah oui, ça fait chier! Attendez! Non mais il y a une bouche de métro! Je prends le métro, j'arrive les gars! Mais... Ok, bon, j'arrive! On se rappelle ça! J'arrive, ça marche! À tout à l'heure! Ah merde, c'est dur ce qui vient de m'arriver! C'est con, c'est la faute à pas de bol! News suivante, allez, pour faire plaisir à certains! Pour lui faire plaisir, parce qu'effectivement, on va parler d'Igueugue, de Salut les Musclés, hein, vous connaissez la AB Production ? Vous connaissez pas ? La blonde, non ? AB Production. Va rejoindre l'univers Marvel Studio dans un prochain film. J'ai entendu dire beaucoup de films. Donc ils ont signé un petit deal avec AB Production et Jean-François Pourry qui a accepté de que le personnage rejoigne la franchise de Captain America et Iron Man. Voilà sa place. Hein. Alors effectivement, il a sa place parce que c'est un personnage qui peut se téléporter, qui peut lire dans les pensées, qui peut hypnotiser les gens. Donc c'est quand même vachement, enfin c'est des pouvoirs vraiment incroyables, hein. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Non mais je repensais à la... Enfin j'ai les photos sous les yeux. Oui, elle a sa place. Oui, Gueugue, on prend. C'était à l'époque, hein. Je suis pas sûr que Gueugue soit joué par la même actrice. Il me semble. S'il respecte un tant soit peu le personnage, l'esprit de la série, ils prendront la même. Comme Spock dans le film de Gigi Abrams. Alors je crois que. J'ai Sartman et. m'entendez? Oh putain, mais non, mais. Oui, non, c'est mais... pas du boulot, Startman. Ça... Non, mais je vous entends. Vous êtes dans le métro, bon. Ça reçoit? Voilà, c'est. Mais viens, viens, qu'est-ce que tu fous dans le métro? Mais il est loin. Mais ouais, mais c'est long, bah, c'est... je sais pas, il y a des grèves ou je sais pas quoi, mais bon, j'ai chopé un métro là, ça avance tranquillou. Pardon, madame. On parlait de Gueugue chez Marvel. Et qu'elle a un joli cul. Ouais. Non mais c'est un peu lourd, en plus ça pue un peu. Mais ouais, non mais je suis là, je vous entends les gars. Non, je vous entends. Dire ça. Oui, alors concernant, alors moi j'ai une petite info parce que je vous écoutais là, ouais, Marie-Gueugue. Alors moi, justement il y a 2-3 jours, je déjeunais avec Bernard Minet. Vous vous rappelez de Bernard? Le vrai. Bah oui, bien sûr, le seul. Et il m'a donné une petite exclue à ce sujet. Parce que donc lui il est toujours en contact avec. Avec Babsy hein, qui jouait Gueugue. Babsy, ah voilà, exactement. Et qui donc est sur le point de signer avec Marvel. Et lui, bon, il est à fond et dans le deal, il se pourrait que donc Bernard Minet soit dans le deal et qu'il s'occupe de la bande originale de. Mais carrément. Mais ce n'est pas une blague, hein, je. Ah je non, non, non, ouais, ça, ouais. Ça a l'air officiel. Hein. Non, mais ouais, ouais. C'est un très bon choix. Non, mais bon, ça. C'est évident même. Je suis assez content pour lui parce que c'est quand même une grosse traversée du désert là. De non, tu peux pas dire ça. Il a quand même fait des conventions. Ouais, moi, mais. Moi, je l'ai vu dans un mariage. Non, mais je pense que hein. Ça pourra faire du bien à sa carrière. Et puis bon, c'est quand même un mec qui innove au niveau de la musique, donc... Oui, évidemment, mais il est devenu DJ en plus entre-temps, on peut s'attendre à des choses assez folles. Voilà, c'est un mélange de Daft Punk et des... Bah la Friend Touch, en ce moment, ça marche un maximum à Hollywood, et... même on prévoit, il se murmure un film avec que des Français à Hollywood... Ah oui. Ouais, il y aurait Jean Dujardin, Marion Cotillard... Marion Cotillard... Ah et, oui. Et peut-être Bernard Minet au platine. Pour l'instant, enfin ça c'est vraiment une pré-rumeur quoi. C'est, voilà. Ah bah, c'est important de le signaler. Donc bon, on a hâte de voir Gueugue hein, agir à côté de Scarlett Johansson. Voilà, bah, bien sûr un duo. On peut penser à un film Black Widow Gueugue. On peut penser à plein de choses. Hein. Je pense que là c'est où il y a plein de. À suivre. Affaire à suivre. On en reparle très vite en tout cas. Alors oui, New Star Wars, désolé John Mark, mais il faut en parler, hein, c'est quand même un film de la plus haute importance. Sartman, c'est toi, tu voulais nous revenir avec nous si... Non mais j'ai pas d'argent, laisse-moi. Sartman, il me parle. Oui, mais non mais je vous entends les gars, ouais, métro, super. Mais je vous entends super bien parce que c'est vrai que même dans le métro, j'ai quand même encore 3 bûchettes. Ah oui, ça, ça c'est pas dommage. Oh, t'as des nouveaux téléphones à mode là. T'as un Spotify qui ne se plie pas. C'est ça, ok, ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je veux... oui, la news Star Wars, alors là, on a quand même Joss Whedon qui est quand même très très colère et qui attaque Star Wars 7. Ah, le Joss le vrai. Alors, Joss Whedon, je sais pas si vous voyez qui c'est, c'est un gars... Moi, je l'ai rencontré une fois, il est super cool. Ouais, non mais, moi, c'est un pote, Un mec adorable, vraiment entier. Très sympa, un mec entier. C'est un vraiment, mec entier. C'est un mec qui a un univers, en tout cas. C'est vraiment génial, ouais, et ça vraiment. Non mais alors Joss donc ouais comme tout le monde sait le créateur des séries Buffy, Firefly, l'autre là Dollhouse et dernièrement réalisateur de des Avengers de 1 et 2 le 2 qui sortira. Ah oui, une bonne annonce assez incroyable hein, on a vu. Il a débarqué, il me semble donc sur la soirée de fin de tournage de Star Wars, c'est okay, ça. Il finit ouais. Officiellement. Ok, exactement, c'est ça. C'est-à-dire que. Et puis au même moment, il y a le titre qui a été dévoilé. Oui. The First Force. C'était le titre que vous aviez donné, John Mark. Ta gueule, je t'ai dit que je voulais pas parler de Star Wars, putain. Excusez-moi. The Force Awakens. Et alors, il s'est. C'était mon idée. Il a très clairement exprimé publiquement qu'il était. Qu'il ne validait pas ce titre. Enculé. Alors Jean-Jacques Abrams a bien tenté de dire que la vie de Joss Whedon ne l'intéressait pas, il n'avait rien à voir dans le projet. Oui, ils s'entendent pas trop, je crois. Ouais, je pense pas, ouais. Mais du coup, mais ça a quand même fait parce que Joss Whedon est quand même maintenant très influent à Hollywood. Mm-hmm. Et un mec sympa. Je vous l'ai dit que c'était un mec sympa. Ouais, ok, ouais, ouais. Et donc, il y a des rumeurs qui commencent à circuler sur les nets comme quoi le titre pourrait changer. Ah, déjà ? Ah, oui, non, mais d'ailleurs. Le titre a fait débat. Hein. Non, mais sur Twitter et LinkedIn, ça parle un maximum avec insistance. Sur LinkedIn, ça parle. Ouais, et le titre pourrait être. Allô. Et ça aurait quand même beaucoup plus de gueule parce que c'est un titre qu'on voit vraiment du pâté par rapport à l'autre et qui est quand même plus révélateur. Ah non mais, ouais, mais c'est con, ça m'a pas capté, je crois. Non mais si, c'est mon casque, ils ont le trou aussi. Non, ah, puis, ouais. Et vous savez que en plus ce titre génial révélerait sûrement une partie de l'intrigue parce que ça sous-entend quand même que Han Solo. Han Solo quoi ? Quoi ? Ah, putain ! Non mais on n'entend pas, ça ne capte pas. Mais c'est pas vrai, c'est chiant. Attends, c'est le téléphone. Et alors ça veut dire que Chewbacca et Leia. Non. On n'arrive pas à ça. Non mais attendez, enfin, c'est un non mal. Mais ça je crois que c'est ça. Non mais c'était mon idée aussi. Enfin bref, oui, j'aimerais bien savoir. Enfin ça et voilà, mais enfin, tout ça pour dire que ça serait complètement ouf quoi. C'est donc on reçoit mal, ça mal. Dépêchez-vous d'arriver. On okay. Nous entend pas. Ouais, vous OK. Vous ne captez pas ça. OK, OK, OK, super. Ouais, non mais OK. Non mais moi je vous entends très bien, tout va bien. Oui. Et mais voilà, tout ça pour dire que ce remue-ménage fait par Joss Whedon et Nathan Fillion hein, qui était aussi dans l'histoire Ah, ce bon cher Nathan. Je l'ai rencontré une fois dans une soirée. C'est un mec, c'est un connard. Non, il est cool. Non, c'est un connard. Non, mais. Et Nathan Fillion, allô, allô, allô. Allô. Sartman. Sartman, on ne t'entend pas. Sartman, on ne t'entend pas. Cette bon, alors que Nabila, par contre. Alors que Nabila n'était pas du tout prête à faire ça. Et c'est dommage parce que. Concernant. Allô Nabila, oui. Tu parlais de Nabila. Parce que donc une info exclusive, on en parle pas, plus de... une info exclusive, c'est insupportable ce truc. Allô. Allô. Allô. Ah voilà, bah, c'est un problème de des conneries. Bon, il s'est fait piquer son téléphone. Il s'est fait braquer son téléphone. Bah, non, ouais. Allô. Aussi, ouais. Allô. Allô. Bon. C'est allez. Con, c'est un iPhone tout neuf, je crois. C'est con. Hein. Il se pliait et il se pliait pas. Il se pliait pas parce que c'est un tout nouveau iPhone. Allez, passons au dossier officiel. On va essayer de rappeler Sartman. Bah, il a rappelé où ? T'es malin, toi ? Il est sur son téléphone de fonction, je sais pas. Dossier officiel. Alors, Jean-Marc, on va parler ensemble, on va faire un petit tête-à-tête sur le filmer le temps. Est-ce ouais. possible à votre avis filmer le temps? Filmer le temps. Alors ça c'est quelque chose qui a pris la tête à beaucoup de scientifiques et de cinéastes. Bien sûr. Filmer le temps. On est bien d'accord que ce n'est en fait pas possible scientifiquement. Ah. Après on peut se laisser aller à des métaphores, des fantasmes, des fantasmes visuels, je dirais des élucubrations soignites. Voilà. Où on peut envisager effectivement un voyage dans le temps. Non mais ça fait débat au sujet dans le monde scientifique ça. Des gens se prennent la tête là-dessus, figure-toi. Parce que là c'est un sujet totalement d'actualité hein, par rapport au film Interstellar mm-hmm. qui nous propose une vision du temps. Bon je veux pas spoiler mais tant pis. Une vision du temps physique hein, n'est-ce pas? Ouais. Avec des cordes, hein, strings, pull the strings, the string, yeah, the string theory. Et c'est très intéressant. Bien sûr, mais voilà. C'est. Et donc là, Christopher Nolan a fait un choix. Voilà. Et c'est bien. Il a raison. Faut faire des choix. Dans ah la oui, vie. Hein, parce que certains réalisateurs, je pense à Robert Zemeckis, qui est Retour à la Future, qui a choisi de montrer le temps à travers un véhicule, à travers une voiture et un compteur. Et oui. Et un compteur qui défile avec les dates. Tout à fait. D'ailleurs, il a pris une DeLorean parce que c'est la seule voiture qui était capable de franchir les 80... les spatiaux temporels. Ah bon ? Oui, il le dit que la carrosserie de la DeLorean et c'est pour ça qu'il a choisi une DeLorean. En plus, elle a de la gueule. Ah oui, c'est ça. Est-ce qu'il aurait pas choisi parce qu'elle a plus de la gueule ? Sartman, en fait. Attendez, je vais essayer de l'appeler parce que je sais qu'il aime beaucoup Retour au futur. Il Sartman, il a volé son portable. C'est pas possible. Bon, il veut pas répondre. Envoie lui un mail parce qu'il le lira un jour ou l'autre. Du coup, le temps qu'il trouve, peut-être qu'il va aller dans un cybercafé. C'est chiant. Un cybercafé. Bon. Il va faire une webcam avec nous. Ce serait génial. Ah bah voilà, il appelle sur le fixe. Je décroche. Allô Sartman. Putain, ouais, c'est pas du boulot là. Vous m'entendez les gars? Oh, putain, oui, c'est attends, lui. Attends, je vais te connecter sur la console. Attends. Attends, je fais un branchement. Voilà. Non, ça c'est les chips. Hop. Sérieux, mais les gars, mais c'est je, bon. T'es en direct, je viens t'es en direct. De me faire piquer mon téléphone dans le métro. Mais bah, on t'avait prévenu. Putain. Journée un peu pourrie hein, quand même. c'est une journée de merde. C'est officiel, je me fais carjacker. Je me fais voler mon téléphone, c'est n'importe quoi. Et sinon, ça va? Bah là, je suis dans une cabine téléphonique qui pue la pisse. Mais ça te sert plus qu'à ça, les cabines téléphoniques. Mais bon, je vais finir le podcast avec vous. Après, j'ai lâché les flics. Mais on sérieux. Était sur le dossier officiel là, certainement. Je sais pas si t'as envie d'en parler. Filmer le temps. Comment un cinéaste peut filmer le temps? Ok, non, mais alors. Bah, alors... Et figure-toi que pour ça, j'ai une info. Je savais bien, Sarman. Mais j'ai goûté avec Peter Jackson il y a deux semaines. Et, goûté il m'a dit oh, je suis dégoûté parfois, c'est très tendance, ça devient de plus en plus tendance le goûté. Oui, j'imagine. Il m'a dit qu'avec Steven, donc Steven Spielberg, hein, tu sais qu'ils ont monté une boîte de. Oui, ouais, pour faire Tintin. Et vu que c'est deux mecs à la pointe de la technologie, ils sont actuellement en train de faire bosser des Chinois sur un modèle de caméra qui pourrait justement filmer le temps. Donc, c'est complètement dans votre thème. C'est-à-dire filmer des caméras qui filmeraient. C'est extrêmement compliqué. Hein. Ça sera à base d'images synaptiques directement injectées dans le cerveau grâce à un plugin de l'Oculus Rift. C'est dur à dire. Hein. Vous voyez ce que c'est l'Oculus Rift? C'est un truc sexuel, je crois. Des gros geeks. Non, mais ça serait ça. Donc, ça serait pour faire des films uniquement projetables dans l'Oculus Rift à base de... d'ondes synaptiques, enfin c'est un merdier technologique, j'en ai pas compris la moitié. Mais bon, c'est d'ores et déjà signé et Peter envisage donc de tourner sa prochaine trilogie et les aventures de Tom Bombadil. C'était sûr ça. Sur ce. On en parlait la dernière fois, Jean-Marc, c'était une nouvelle trilogie qui s'annonce là pour Peter. Oui, j'ai écouté le podcast d'un côté. Donc adapté de Peter Jackson, comme d'habitude. J'ai même participé, je crois. Et donc cette trilogie sortira sur Oculus Rift en images temporelles. À suivre. Est-ce que ça sera en HFR? Ah oui, mais ça, bien sûr, HFR 3D. IMAX. Ouais, bien sûr. Mais Oculus Rift. Oui, alors Nabila était en prison. Un peu bizarre. Vous avez senti là? De quoi? Bah, on a vécu une ellipse là. Mm-hmm. Vous entendu? Bizarre. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, bizarre, j'ai senti une ellipse. Non, c'est bizarre. Hein. Comme si le temps était avancé dans le dossier. Bon, bah voilà, je crois qu'on a fait le tour du dossier sur le voyage temporel. Non, mais les gars, je vais me faire carjacker là. Le Roumain, il m'a carjacker. Comment? Non, attendez. Allô, Sartman? Ouais, allô. Qu'est-ce qu'il y a? Sartman? Ouais, un petit problème bizarre. Et alors, est-ce que vous avez vu le film? Je pense que vous avez tous vu, hein, c'est un grand classique. Un jour sans fin avec Bill Murray. Ouais, excellent. Runout Day! Ouais, il est marrant. Ouais. C'est cool, ouais. Alors, on peut revenir à ce qu'il y a dans ce film-là. Ils ont choisi de filmer la journée est répétée. Hein, Bill Murray revit dans la même journée toujours. Et c'est une marmotte qui symbolise un peu le temps. Et je trouve ça original, cette approche animalière du sujet. Tout à fait. Non, animalière. Avec un gnou. Oui, on aurait pu utiliser un gnou, mais là c'est le jour de la marmotte. Bah voilà, c'est original. C'est cool, on aime bien, on aime bien les animaux. En plus, Bill Murray, ça, j'ai rencontré une fois, mec vraiment très cultivé. Ah. Il a pas l'air, hein, mais il est très cultivé. Bah, il a signé pour la suite, hein, d'ailleurs. Un jour sans fin 2. Un jour sans fin 2, ouais, ah, oui, et c'était ça ou Ghostbuster 3 et... Salut, podcast officiel numéro 99, sorti de Un jour sans fin 2. Alors, vous en parlez. Vous en parlez. C'est quand même incroyable. Non, mais tu fais une vanne là. Primeur, vous l'avez vu ce film? C'est un film australien, je crois. Alors, Primeur, ouais, adopte, traite du voyage dans le temps d'une manière très, attendez, très spéciale. Attendez, les gars, on en a parlé. C'est-à-dire que... On en a parlé déjà de tout ça. Ah non, bon, on parlait d'un jour sans fin. Là, on parle de Primeur. Oui. Oui. Et d'accord. Il y a un petit souci temporel sur cet épisode, je pense. Non. Oui, non, mais moi, je vous entends très bien. Hein. Oui. J'ai mis ma carte de crédit dans la machine, dans la cabine téléphonique, et ça marche très bien. Hein. Allez, c'est la fin de l'émission. Merci à tous. Merci de nous avoir écoutés. Bonsoir. On se retrouve pour le podcast numéro 6. Je comprends d'ici rien. Un mois, trois semaines. Ok. Ouais. Attendez, ouais. Attendez. Okay. Attendez. Non, au revoir. Mais salut. Générique. Ok. Ouais. Bonsoir. Hey. Bonsoir à tous. Très content de vous retrouver pour le podcast officiel numéro 5. Eh oui. Non, attendez, les gars. Mais en fait, vous faites une vanne, c'est ça? On a parlé de voyage temporel et du coup, vous recommencez le podcast. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est drôle. Je suis Riley, je suis accompagné donc de John Mark. Vous non, écoutez à l'instant, notre correspondant officiel à Hollywood. Oui. On l'a dit tout à l'heure. Alors voilà, je le redis. Oui, Paris, ça restera toujours Paris. Oui, c'est une boucle temporelle. Ça va, on a compris. Et pas avec nous, malheureusement, il est pris dans les bouchons. On va essayer de quand même de l'appeler. Comment ça? Allô, Sarban? Ouais! Allô, Sarban? Oui. Ouais, salut! Ouais, salut les gars! Alors, bah, ça va? Mais t'as retrouvé ton portable? Pardon? Bon courage. Ouais! T'as retrouvé ton portable dans les bouchons? Alors, je vous explique, je suis désolé de pas avec vous, de pas être tu nous rejoins. En studio, ouais, je suis en cours, mais c'est mal barré, je suis bloqué dans les bouchons là, port d'Italie. Il y a un truc qui déconne. Pardon? C'est vous, je pense. Vous allez bien, Jean-Marc? Ouais, ça va. Alors, ouais, non, je disais que le PF était complètement bloqué, il y a des hélicoptères partout, la police. Ah, c'est les manifs, hein? Mais pas du tout. Il semblerait qu'un animal sauvage ait été vu sur le périphérique extérieur. Alors, pour l'instant. Ça arrive dans cette saison-là. Ouais, non, mais c'est ça, pour l'instant, la situation est assez confuse. Certaines personnes parlent d'un animal ressemblant à un ours polaire, d'autres. Oui, t'as, génial! Ouais, mais sauf que d'autres témoignages parlent, eux, d'un lama des Andes. Enfin, c'est très confus, hein. Mais bon, c'est pas le sujet. Vous restez avec nous au téléphone, on va passer tout de suite. Ok, bref, j'ai 4 bûchettes. Ça va être rapide, la 4G, avec notre concours officiel. Hey, très content de vous retrouver pour le podcast officiel numéro 5. Et oui, je suis accompagné de John Mark, ça va? Ouais, non, mais je suis pas vrai, bien sûr, d'être là, moi. Pardon. Oui, alors attends. John Mark, l'enregistrement a commencé là. Officiel numéro 5. John Mark, bonsoir. Notre correspondant officiel à Hollywood, tu vis maintenant en France, hein, non, mais là ça devient flippant. Mais de quoi vous parlez? Non, pardon. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Et alors malheureusement, Sartman qui est avec nous d'habitude, il est bloqué dans les bouchons. On va essayer de se connecter avec lui tout de suite, parce qu'il va faire peut-être le podcast par téléphone. Laisse-moi deviner, il est bloqué à Port d'Italie, non? Ah oui, oui. Je vous l'ai pas dit ça. Ouais! Allô, ouais. Allô, Sarman. Ouais, ok, ouais, non, je vous entends, les gars. Ouais, ok. Bon, alors, ouais, ça va? Bah, ouais, mais bon, je suis désolé de pas être avec vous en studio là. Je suis t'es dans... où? T'es où? Mais je suis bloqué sur le périph là, dans ma voiture, Port d'Italie. C'est ignoble. Port d'Italie. Il y a des bouchons partout. Très bien. Il y a ça devient un peu flippant là, je confirme, c'est officiel. Qu'on bloquait tout, il y a des hélicoptères. En fait, figurez-vous qu'il semblerait qu'un animal sauvage était. C'est pas une manif. Non, c'est un animal sauvage qui aurait été vu sur le périphérique extérieur. Et alors pour l'instant, la situation est assez confuse. Hein, Non, mais attendez, sortez-moi de là. Il y a un problème là. Arrêtez votre vanne, les gars. C'est une caméra cachée, c'est ça? Non, mais je comprends pas. Tu veux qu'on te sorte d'où, John Mark? Je sais, il a pas l'air très en forme ce soir. D'accord. Désolé, c'est... Mais c'est vous qui avez l'air bizarre. Alors, c'est parce qu'en fait, il y a des témoignages qui parlent d'un ours polaire, mais d'autres parlent d'un lama des Andes. Enfin, c'est une situation assez confuse pour l'instant. Ah, mais c'est bon. Les animaux. Ouais, bon. Ouais, mais bon, c'est pas le sujet. Ça fait trois fois que mon verre s'est rempli tout seul, c'est bizarre. Je suis là, j'ai quatre bûchettes là sur mon téléphone, la 4G. Pas de problème, les gars, je peux faire le podcast. Bon, allez. Avec vous. Ce que je vous propose, c'est de passer au concours officiel, ça va être très rapide. Hey, bonsoir, très content de vous retrouver pour le podcast officiel numéro 5. Eh oui, déjà 5, je suis accompagné ce soir de John Mark Rockting, notre correspondant officiel à Hollywood. Non, c'est pas drôle les mecs, arrêtez. C'est de pas quoi drôle. Bah, on s'est déjà présenté, non? Rappelle-toi, on s'est déjà présenté 3 fois déjà, putain. Oui, c'est le 5e numéro déjà. Et alors, malheureusement, ce soir, Sartman n'est pas là, il est coincé dans les bouchons. On va quand même essayer de lui téléphoner. Est-ce qu'il serait pas à Port d'Italie des fois? Si, je crois. Mm-hmm. Ouais. Alors, mais non, mais tu vas voir, ouais, et okay. Puis je te parie qu'il va se faire carjacker. Ok, et les puis gars. Après, on va lui gauler son portable, tu vas voir. Salut les gars, ça va? Vous m'entendez? Ouais, salut, ça va? Salut Sartman, bon, courage, hein. Bon, je suis désolé de pas être avec vous là, je suis bloqué dans les bouchons, je suis à Port d'Italie. C'est pas vrai. Et si, figure-toi que c'est quoi ton fou? Il y a la police qui ont bloqué il y a le périph, il y a des hélicoptères partout, c'est complètement dingue quoi. Hey, bonsoir à tous, bienvenue dans le podcast officiel numéro 5. Ah, je suis très content de vous retrouver. Je suis accompagné ce soir de John Mark Lockin, notre correspondant officiel au Lille. Hey, salut, qui ouais, vit c'est maintenant en France. Tout à fait, et puis qui vit cette même journée depuis 3 heures, mais à part hein? Ça va, ouais. Enchaîne, je sais très bien que de toute façon on va recommencer derrière. Ouais, c'est ça, je bois beaucoup trop, sans doute. Malheureusement, allez, bonsoir. Alors, Sartman, on va tout de suite passer la parole à Sartman qui est bloqué à Port d'Italie dans sa voiture avec des Roumains. Hey, vous m'entendez, les gars? Allô, Sartman? Attends, toi, tu vas voir. Allô? Oui, Sartman? Ouais, ok. Ouais, okay. Dis-moi, t'es dans ta voiture? Ouais, comment ça? Ok, dis-moi, ouais, tu vas arriver au feu rouge là? Non, en fait, je suis dans le périph, je suis bloqué sur le périph. Ouais. T'es bloqué sur le périph? Ah non, pardon, je suis con. Est-ce qu'il y aurait pas des Roumains? Ouais, genre, il y en a devant, ouais. Voilà, ouais, alors attention, dans quelques secondes, ils vont nettoyer ils vont nettoyer ton pare-brise. Dis non, écoute-moi. Pourquoi? Fais-moi confiance, je te parle du futur. Dis non. Hey, bonsoir, bienvenue sur le podcast officiel numéro 5. Je suis très content de vous retrouver. Putain, j'y étais presque. Je suis accompagné, je suis Riley, je suis accompagné de John Mark. Ouais, John Mark, salut, bonsoir. Hey, c'est. Oh là, disons, ça commence bien. Et malheureusement, Sartman n'est pas avec nous ce soir, il est coincé dans les bouchons. C'est pas vrai. Alors là, tu me coupes l'air sous pied. Allô. Sartman. Ouais. Ouais, ok les gars. Ouais, salut. Eh, hey, je vous entends bien, je vous entends super bien. Bonsoir. Putain, ça recommence. Très content de vous retrouver pour le podcast officiel. Non, stop, c'est bon, il y en a ras le cul là. Qu'est-ce qui se passe? Non, stop, c'est. Non, mais attends, c'est quoi ce. Qu'est-ce que vous faites? Mais c'est toi qui vis sans ça ce moment là. Hey, bonsoir. Écoute, très content de okay, vous retrouver. Ok, bon là, il y en a ras le bol. Allez. Ah merde. Riley. Hey, bonsoir, très content de vous retrouver pour le podcast officiel numéro 5. Tu vas bien? Ça va? Oui, ça va, et toi? Ok, non, mais ouais, non, ça va, c'est bon. C'est... Alors, je suis accompagné avec Jean-Marc Rettim, vous avez entendu. Bonsoir. Notre patron officiel à Hollywood. Et malheureusement, ouais. Sartman n'est pas avec nous ce soir. Il est dans les bouchons. Mais on s'en branle, on lui répond pas, il est dans les bouchons, il y reste. Voilà. Et tu vas voir, il va se faire braquer son pain. De toute façon, cette conversation n'aura jamais lieu. Tu vas voir. Ouais. Tu vas voir. Oui, salut les gars. Ouais, ok. Je vous entends. Ouais, jusqu'ici, tout va bien. Voilà. Bon, je suis désolé de pas être en studio avec vous. Je suis bloqué sur le périph dans ma caisse. Roumain. Il y a le périph qui est bloqué là, c'est un truc de fou. C'est les manifs. Police, les hélicoptères partout. Alors non, figure-toi qu'il semblerait qu'un animal sauvage ait été vu sur le périphérique extérieur. Ah oui. C'est complètement fou. C'est non. Et pour l'instant, la situation est bon, elle est quand même assez confuse parce qu'il y a certaines personnes qui parlent d'un animal ressemblant à un ours polaire, mais d'autres évoquent un lama des Andes. Enfin, c'est un lama. Bon, c'est pas trop le sujet. Bon, ouais, c'est pas le sujet. Non. Mais bon, vous inquiétez pas. J'ai allez, une connexion 4G. Suite, là, pas de problème. Si c'est très rapide. On va passer tout de suite au concours officiel. Hey, très content de vous retrouver, bonsoir à tous pour le podcast officiel non. numéro 5. Non.